Mais quand c'est de la connaissance qui émerge de ta personne, c'est sûr que tu n'es pas la personne, tu n'es pas ce que tu es réellement. Et tu ne peux pas débattre de cause parce que tout est sur, est sous l'effet d'un système de valeurs. Mais tu ne peux pas être toi-même. C'est comme t'es instrumenté. Oui, c'est ça. Instrument, oui. C'est pas instrumenté vraiment. Là. Le mot exact, c'est que t'es conditionné. Et quand t'es conditionné, tu peux pas débattre une cause. Si t'as une cause, comme les gens qui se font sauter dans l'État islamique, c'est des gens conditionnés. Ils défendent pas une cause. Ils sont des robots. Mm-hmm. C'est des zombies. Donc, c'est pas des causes, ça. Mais Teresa avait une cause. Ça, c'est une cause. On s'attend d'un pape qui soit lié à une cause.